Mais un cri soudain traversa l'audition. Un cri perçant, angoissé, le cri le plus terrible qui puisse retentir dans un théâtre. « Au feu !» trois fois répété précipitamment. Succédant à la musique avec une rudesse inexprimable, un tumulte grondant s'enfla. Des pas couraient sur des planches. Des fuites se devinaient à des froissements hâtifs. Une rafale de piétinement parut souffler. Puis des heurts assourdis et tout un affreux concert de plaintes, de hurlements et de supplications. Jean Fortel, plus blanc que son oreiller, regardait fixement Marc d'Ambléon. La rapidité de la panique leur fit d'abord douter qu'elle fût réelle. Ils crurent pendant 10 secondes à quelque fantaisie de transmission téléphonique. Cependant, les cris « Au feu ! Au feu !» se multipliaient. Des appels de douleur et d'effroi s'y mêlaient. Un tonnerre roula. Ce devait être le rideau de fer qu'on baissait. Tout à coup, un bruit nouveau crépita, et ce fut comme si des drapeaux s'étaient mis à flotter dans une bourrasque. « Les flammes !» s'écria Marc d'Ambléon, qui s'était levé et tendait l'oreille. Un pétillement parut si proche qu'on eût juré que le haut-parleur brûlait. Marc se retint d'épier l'apparition de la fumée. Les clameurs infernales s'élançaient de plus belle. Des femmes, peut-être des hommes affolés, poussaient de hideux sanglots inhumains. Mais le pétillement prenait de la force. Amplifié par le résonateur, il grandit jusqu'à couvrir d'un fracas de mitrailleuse la rumeur du sinistre. Et le silence se fit sans transition. Là-bas, près de la rampe du théâtre, le récepteur ne fonctionnait plus. Les deux amis, face à face, se taisaient sidérés. Jean cherchait d'abord quel acte utile pouvait être exécuté. Il dit brièvement « L'annuaire des téléphones, là, donne, il faut prévenir les pompiers du quartier. » Il malmenait le gros livre, enrageant de n'y rien trouver. Dans la nuit, assez loin, une trompe d'automobile claironna, faisant alterner sans trêve deux notes caractéristiques. Une autre ensuite, une autre encore. Leur passage s'évanouit. Marc avait levé la main aux écoutes. « Les pompiers sont alertés, » dit-il. Sans répondre, Jean téléphonait. « Allô ? Gobelin 43-89 et la suite ? Oui, la préfecture de police. Allô, allô, monsieur, un incendie s'est déclaré à l'Opéra français. Vous le savez ? Le nécessaire est fait ? Bien. » Un silence. « Que faire ? » dit Marc. Jean, muet, les sourcils froncés, réfléchissait âprement. Marc proposa « Veux-tu que j'y aille ?»« À quoi bon ? Ce doit être, aux abords du théâtre, une cohue formidable. Il y a des barrages que tu ne pourrais pas franchir. Non, reste ici. On aura besoin de toi, peut-être, tout à l'heure. En ce moment, je ne serais pas plus avancé moi-même que si je pouvais me lever. » Il l'aurait voulu, cependant, pour marcher, s'agiter si vainement que ce fût. L'immobilité aggravait son angoisse. Une poussée de sueur lui fit rejeter les draps d'un geste importuné. Marc s'approcha de la fenêtre, l'ouvrit, écarta les persiennes. « Voit-on quelque chose ? » demanda Jean. « Oui, le ciel est rouge. » Perdu dans la distance, une double note lugubre parvint encore jusqu'à eux, tocsin fuyant. « Il se peut qu'on ait besoin de toi tout à l'heure. » Marc se retourna, surpris. Il fut convaincu que Jean Fortel avait répété inconsciemment la phrase tragique. « Il est certain, reprit Jean, qu'elle ne reviendra pas indemne. On ne sort pas de ces paniques sans dommage quand on en sort. » « Ne m'as-tu pas dit que Jacqueline était à l'avant-scène ?»« Oui. C'est moins dangereux que l'orchestre ou le balcon. Elle aura pu gagner le couloir sur le champ. Les dégagements sont très vastes. L'opéra français est de construction récente. On y a prévu toutes les éventualités d'un incendie, avec d'autant plus de soin, peut-être, que l'édifice précédent a été détruit par le feu. » Jean se mit à parler d'un ton sec, l'œil un peu vague. « C'est à cela que je pensais précisément. Mon père m'a raconté la catastrophe et j'ai vu des journaux illustrés de l'époque. Une horreur. Assurément, tout est prévu. Assurément, tout est réformé, sauf ce qu'il est impossible de réformer, c'est-à-dire l'épouvante de la foule, sa ruée stupide vers les issues, sa sauvagerie. Oui, tout est amélioré, mais pas les hommes, et c'est là qu'est le danger. Deux femmes seules, prises dans une mêlée. Du reste, Madame Lebellier ne compte pas, elle est sans clairvoyance, sans fermeté. Quant à Jacqueline, très femme, Jacqueline, impressionnable, imprévoyante. Ah, si j'avais été auprès d'elle, je ne devrais jamais la quitter. Marc. Quoi, mon bon vieux? C'est idiot, n'est-ce pas? Je n'ai pas confiance. Bien sûr que c'est idiot. Allons, Jacqueline ne perd pas la tête si aisément. C'est une sportive élevée à ton école. On n'est pas pour rien la femme de Jean Fortel. Marc, veux-tu avoir l'obligeance? Je ne voudrais pas sonner les femmes de chambre. Il est inutile de donner l'alarme prématurément. Veux-tu avoir l'obligeance d'ouvrir cette porte? Jacqueline s'est installée à côté depuis mon accident. Dis-moi, la chambre est-elle convenablement préparée? Fait-il chaud? Marc d'Ambléon fit la lumière dans la pièce voisine et s'assura qu'elle offrirait au retour de Jacqueline toutes les prévenances désirables. Il éteignit et revint au chevet de Jean. « Qu'est-ce que tu fais ? » s'exclama-t-il. « Je t'ai vu !»« Eh bien, » fit l'autre avec placidité, « tu m'as vu remettre dans ce tiroir un revolver. »« Après ?»« Pourquoi ? Pourquoi l'as-tu pris, Jean ?»« Pour vérifier s'il était chargé. »« Mais, Jean, voyons !»« Il est 11h35, mon petit Marc. Jacqueline devrait être ici. » Saine et sauve, elle n'aurait probablement pas réussi à retrouver la voiture de Madame Lehellier. Mais les taxis ne manquent pas sur le boulevard. Donc, puisqu'elle n'est pas là, il y a beaucoup de chances pour que le destin soit contre nous. Dans quelle mesure, je ne sais. À l'heure qu'il est, Jacqueline se trouve-t-elle dans une pharmacie où l'on badigeonne ses égratignures à la teinture d'iode? C'est possible. Est-elle évanouie? L'a-t-on couché dans une salle d'hôpital? Dois-je supposer le pire? Mystère. Je répugne aux hypothèses, mais je constate simplement ce fait. Il est 11h37, et si Jacqueline avait pu se dégager du chaos, elle serait là. En prévision d'un malheur irréparable, j'ai jugé opportun de contrôler l'état d'un revolver qu'il est toujours prudent d'avoir à portée de la main dans le tiroir de sa table de chevet. Très calme en apparence, il affectait d'offrir à Marc le spectacle d'un visage résolu et d'un regard sans ombre. La fenêtre était restée entr'ouverte. C'était l'heure de la sortie des théâtres. Des automobiles passèrent. L'une d'elles, très rapide, s'accompagnait d'un tintement impérieux. « Une ambulance !» dit Jean Fortel. Marc, fraternellement, lui parla. « Jean, écoute-moi, rends-toi compte, tu n'es pas dans ton état normal, tu as la fièvre, tu souffres physiquement et moralement, promets-moi. »« Je ne promets rien, la vie sans elle. » Il termina d'un signe négatif. « Quelle folie, Jean, tuer, toujours tuer, aimer, haïr, souffrir, tout pour toi aboutit à cela, tuer. » « Seigneur, la vie serait trop facile s'il ne s'agissait que de mourir pour en dénouer le problème. N'as-tu pas honte, toi, créature raisonnable ?» Jean Fortel fixait, par la fente de la croisée, le ciel de pourpre où des lueurs mouvantes se réverbéraient. Une secousse fit tressauter singulièrement toute sa face. Et c'est d'un sourire qui ne pouvait pas naître. « Dans 20 ans, Marc !» Pour peu que, d'ici là, je n'ai pas passé l'arme à gauche. Maintenant, de grâce, renonce à me catéchiser. 9h10, ça tourne mal. Ah, si je pouvais, si je pouvais !» Quoi ? Tout bas, dans un souffle ardent, ce fut l'âme dangereuse qui répondit. « Étrangler quelqu'un qui serait responsable de tout ceci. Si je pouvais faire payer un malfaiteur, à un incendiaire, tout ce que j'endure en ce moment. » Il était sans regard, faisait crisser ses dents, ouvrait et fermait les poings avec une rage désespérée. L'instinct de la bête le gouvernait, son anxiété tournait en violence comme toutes ses passions. Marc traduisit sa réprobation et sa pitié par une attitude et une exclamation. Il ne savait que dire ni que faire. La tante l'énervait aussi, lui retirait une bonne part de ses clartés. Il restait debout, navré de son impuissance, cherchant le moyen de se tenir à proximité du tiroir sans exciter la fureur de cet homme élémentaire, farouche et tourmenté, qui ne cessait plus de chiffonner ses draps ou de porter les mains à son front et à ses joues, qu'il frottait vainement sous l'influence de réflexes. Jean Fortel, brusquement, prit un livre, un roman broché. Geste sans but, à ce qu'il semblait. Mais non, d'un effort de ses mains bien assurées, les épaules saillantes et contournées, il arracha, il déchira le livre en deux morceaux, qu'il lança au loin. Peut-être aucun athlète n'eût-il été capable d'en faire autant. Cette brutalité ne l'avait nullement soulagé. Il grommela « Minuit moins cinq ». Et il fit entendre, en hochant la tête, une manière d'intonation sans parole, exhalant l'espoir à peu près perdu. Il s'attendait à ce que l'avertisseur du téléphone l'appelât. Il le redoutait jusqu'à sentir cette hantise comme une migraine insupportable. Et lui qui se disait privé d'imagination, lui qui se vantait d'en être dénué, il ne parvenait pas à interrompre dans sa cervelle la sonnerie imaginaire qui ne cessait d'y trembloter. « Va sur le balcon, Marc, guette la grille, l'avenue. » Marc d'Ambléon eut un coup d'œil vers le tiroir. « Va, je t'en prie, c'est le martyre que je supporte. » Il n'y avait qu'à céder. Marc le fit à regret. Il gagna le balcon. Peu après, le cartel sonna 12 coups. Comme la nuit était très froide, Marc referma la fenêtre et se tint derrière les rideaux, devant les vitres glaciales, glissant un regard de temps en temps vers la chambre. La fournaise éclairait la moitié du ciel. Des conversations montées de l'avenue, à peine perceptibles. Le temps qui s'écoula dans ces conjonctures fut de ces passes où l'on réalise que chaque division de nos heures et de nos minutes n'est qu'une tranche d'éternité, une tranche dont il nous est donné parfois de sentir le caractère éternel, une tranche qui, malgré ses limites, souvent infinitésimales, reflète entre ses bornes, dans un éclair qui nous semble interminable, ce qui n'a pas commencé et ne doit jamais finir. L'idée de la mort gagnée, le tic-tac du cartel en marquait le progrès. Marc croyait déjà voir une civière, des inconnus, chapeau bas, pénétrant sous la marquise. Et il se souvenait de ce qu'il avait dit tout à l'heure à Jean Fortel, à un Jean Fortel insouciant et sceptique, « Celle que j'aimais, morte, tu ne frémis pas ?» Jean n'avait pas frémi, et à présent ? À présent, qu'éprouvait-il au juste, lui qui voulait se tuer et qu'il fallait sauver coûte que coûte ? Une voiture, dit Marc. Elle s'arrête devant la grille. Ah, c'est Jacqueline. Quelle voiture ? Un taxi ? Qui est-ce qui descend ? Le chauffeur ? Une femme. La portière se referme. Je ne peux pas voir si c'est Jacqueline. Il fait sombre. Elle a sonné. A-t-elle une fourrure blanche ? A-t-elle encore, par hasard, sa fourrure blanche ? Oui, elle traverse la cour. C'est elle, je la reconnais. Dieu soit loué, Jean. Tu vois, il ne faut jamais désespérer. Ah, quel bonheur ! Soupira Jean Fortel. Jacqueline, Jacqueline, dire que je pourrai encore prononcer Jacqueline et que quelqu'un me répondra. Tout est sauvé ce soir, comme chante Péléas. Déjà chantaient les idées, déjà le bonheur était revenu. Jean Fortel, la tête renversée, les membres détendus, goûtait un repos magique, la sensation d'une délivrance bénie. Le téléphone ne l'appellerait pas, fini le cauchemar. « Mon pauvre Marc, je t'ai fait peur, dis. Tu t'en souviendras de ton retour. Pour une diversion, c'en est une. La voilà !» On entendait Jacqueline monter l'escalier, en compagnie des femmes de chambre. Sa voix grandissante parvenait en éclats. Les mots « incendie »,« fumée », »,« pompier » se distinguaient. Jean l'écoutait venir, cette voix. il en savourait profondément l'approche. La porte fut ouverte d'une main délibérée. Un éblouissement fit irruption. Les deux hommes contemplèrent Jacqueline, apparue devant eux dans le déploiement d'une harmonieuse pétulance et retenant sa fourrure polaire. Elle était lancée dans un ramage qui semblait intarissable. Émue sans excès. « Bonsoir, mon chéri, comment te sens-tu ? Ah, Marc, vous, par exemple, quelle bonne surprise ! C'est Jean qui doit être heureux. Oh, j'en suis sûre, moi aussi, vous savez. Nous avons bien pensé à vous. Vous devez en avoir des choses à raconter. Vous allez bien ? Oh, mon chéri, figure-toi, il y a un fameux incendie, je ne sais où. Le ciel est tout rouge par là et on voit des colonnes de fumée. » Marc d'Ambléon, qui s'inclinait sur sa main gantée de bagues, se redressa vivement, pressant tout à coup cette petite main distraite avec une intention que Jacqueline ne sut interpréter et qu'elle prit pour une effusion d'amitié. Impossible d'employer un autre signal. Jean les considérait comme deux acteurs sur un plateau. Marc prudemment s'écarta. Une seconde dura, d'un silence qui lui donna le vertige. Il n'osait pas regarder Jean Fortel. Il craignait de ne pouvoir lui témoigner, en un clin d'œil, les sentiments qui l'animaient. Il détournait les yeux pour satisfaire à une espèce de discrétion. Il avait peur, aussi, d'attiser la fureur de cet homme, dont la disgrâce n'aurait pas eu de témoin si lui, Marc, ne se fût trouvé là. Jacqueline, dépouillant son manteau, le jeta au dossier d'un fauteuil et resplendit de toute sa beauté à demi dérobée sous le ruissellement d'une robe féerique. Elle continuait. « Je me demande ce qui est en train de brûler. C'est par là. » Jean Fortel articula, les mâchoires raidies. « Vraiment, du côté de l'Est ? Oh, tu sais, moi, je n'ai jamais su m'orienter. » Jean Fortel dit, avec une pesanteur, qu'il s'efforçait de travestir en nonchalance. « Marc, mon petit, éteins donc la corniche, veux-tu ? Cette lumière au plafond me fait mal aux yeux. » Il avait conscience d'être blafard et voulait le dissimuler. Marc obéit, puis, aussi naturellement qu'il le put, manœuvra pour aller se placer contre la table de chevet. Là, s'asseyant presque sur le meuble, il en saisit le rebord à pleine main, ses 10 doigts verrouillant le tiroir. Et il se jura que, lui vivant, ce tiroir ne s'ouvrirait pas. Sans bouger, sans même paraître avoir remarqué le manège, Jean Fortel, dans la douce et rose clarté de la lampe, respirait comme d'habitude, se terrassant lui-même grâce à l'effort immense de sa volonté. Il parvint à jouer la bonne humeur. « Lynn, c'était bien, Péléas ?»« C'est toujours bien, Jean. »« Oui, je sais. » Du reste, le théâtrophone m'a renseigné approximativement. Mais enfin, l'interprétation. Oh, parfaite ! Jardin de l'allure, Wolowska belle, admirable tous les deux, Fragnol aussi. Bonne soirée à ce que je vois. Excellente ! Jacqueline, devant la glace, tout près de son image, levait ses bras éclatants, et d'une envolée scintillante, redonnait à sa coiffure un tour précis. « Public de choix pour cette reprise, je suppose ?»« Plutôt mêlé, il fallait s'y attendre. »« Vous êtes resté jusqu'à la fin ?»« Nous sommes partis les dernières. » »« Beaucoup d'acclamations, certainement. Combien de rappels ?»« Cela n'en finissait pas. Et des fleurs, des fleurs !»« Tout cela est très bien, Lynn. » La mère Lehellier a été sage. Jacqueline éclata de rire. « C'est une bien brave femme, dit-elle. »« Oui, très complaisante. »« Très, j'en fais ce que je veux. »« Et qui as-tu vu en particulier ?»« Des tas de gens. »« Mais encore. » Elle se dirigea vers la fenêtre. Ses épaules, son dos si vivant, étaient des blancheurs qui éclairaient. Marc, les mains moites, glissa pour la première fois vers son ami un regard furtif. Il vit Jean Fortel, les yeux clos, le profil en marbre, les poings frémissants. Jacqueline, évitant de répondre, avait entrebâillé les rideaux. « « Oh ! S'écria-t-elle, comme ça flambe ! Regardez !» Les rideaux tirés, la fenêtre donna sur une aurore sanglante. « En effet, dit Jean sérieux, ça flambe !» Il toussa. Marc d'Ambléon redoutait de faiblir. Cette scène se prolongeait odieusement. Est-ce que l'interrogatoire allait reprendre ? Est-ce qu'il pourrait, lui, tenir jusqu'au bout, cramponné à cette table ? Rester tout le temps nécessaire entre Jean Fortel et le revolver ? Qui as-tu vu ? Reprit Jean. Ça m'intéresse, tu comprends, moi qui suis hors du monde. Elle revint, délicieusement rieuse, et s'assit à l'extrémité du lit, d'une souple ondulation, en amazone, un genou haut. Ah ! Dit-elle, j'oubliais. Le petit Rénal m'a chargé de te dire qu'il viendrait te voir demain vers 5 heures à propos du tennis. Il était à l'Opéra français, le petit Rénal. Où l'aurais-je vu ? Il est venu nous dire bonjour pendant le dernier entracte. Pendant le dernier entracte, parfait, parfait. Et toujours amusant, toujours exquis, le petit Rénal. Jacqueline fit la moue. Oh ! Bien quelconque, je trouve. Mais elle abaissait ses longs cils et on ne voyait pas ce que devenaient ses yeux. À quelque chose d'impondérable, Marc pressentit que le dénouement approchait. Il voulut barrer le passage au destin, s'opposer n'importe comment à ceux qui accouraient du fond de l'avenir. « Maintenant que je suis de retour, commença-t-il. » Et tout son corps se penchait, tous ses muscles travaillaient dans le même sens pour résister à la bourrade qu'il appréhendait et qui le lancerait peut-être contre le mur. Il ne fallait pas, et il se disait « Tiens bon, Marc, tiens bon !» tandis que ses lèvres laissaient tomber des mots vides, mondains. Jean Fortel, sans l'écouter, sans attendre non plus que Jacqueline poursuivît, allongeant vers sa femme ses deux bras effrayants. « Jacqueline !» La voix était basse, rauque. Elle s'infléchit pour insister. « Jacqueline, viens donc m'embrasser. Pourquoi ne m'embrasses-tu pas ce soir ?» Alors seulement, elle eut l'intuition qu'il se passait quelque chose. D'instinct, par l'effet d'une réaction défensive, sa physionomie souriante le fut davantage. Mais, avec une légère surprise qui cachait beaucoup d'inquiétude, elle interrogeait, de ses grands yeux mobiles, les deux hommes, tour à tour. « Qu'est-ce que vous avez ? » dit-elle, la gorge plus active. « Viens m'embrasser, » répéta Jean. Elle murmura en se levant, indécise et grainant un rire. « Bien volontiers, mais comme tu es drôle !» Et elle cherchait, très vite, à savoir ce que recélaient ses fronts imperturbables, ici et là. Marc, en proie aux affres d'une cruelle hésitation, entreprit d'ouvrir le tiroir, derrière son dos, lentement, silencieusement. Ses deux bras tendus vers cette femme, ses deux mains ouvertes, ses doigts herculéens, qui, déjà, se recourbaient pour saisir, l'emplissait de terreur et d'indignation. Jacqueline fit un pas. Maintenant, elle luttait pour retenir à tout prix un sourire réfractaire. La peur, le doute, la grâce, en misérables alternatives, se disputaient ses traits. Une sorte de tumulte fixe en décomposait l'harmonie. Les mains impitoyables l'appelaient toujours, appelaient, semblait-il, son cou délicat où la vie palpitait. La vitesse du temps n'existait plus pour eux. Ils en avaient perdu le sens. Chaque dixième de seconde contenait toute la destinée. Au toucher, Marc reconnut le revolver et l'enveloppa d'une prise sûre. Pourquoi faire ? Il verrait. S'armer, c'était, en tout cas, l'unique moyen d'égaliser les forces. « Jean, mon chéri, mon amour, qu'est-ce que tu as ?» Toute irrésolution fondée dans son émoi véhément. Sincérité, supercherie, décision d'instinct ou de logique, élan d'une tendresse jaillie des sources les plus profondes, un peu de tout cela sans doute. Les bras se refermèrent sur elle, l'étau l'emprisonna. Marc, vigilant arbitre, tout vibrant d'une promptitude accumulée, surveillait l'une des mains qui montait vers le cou. Les mots qu'il allait dire se formèrent dans sa pensée. Lâche-la ou je tire !» La main passa sur la nuque, s'enfouit dans les cheveux. Impassible, fasciné par quelle vision, Jean Fortel appuyait sa femme contre sa poitrine et, d'une pesée, lui maintenait la tête au niveau de son cœur. Marc ne voyait plus le visage de Jacqueline, mais il ne quittait pas des yeux la petite poigne aux ongles roses, chargée de joyaux, qui s'agrippait à l'épaule de Jean. Celui-ci caressa de sa joue, comme la tête d'un enfant qu'on berce, les blondeurs ébouriffées. « Jacqueline, ma petite fille, dit-il, écoute-moi bien. Demain matin, à ton réveil, le journal t'apprendra quelque chose. Ne t'aime pas, c'est un événement qui ne nous touche de près ni l'un ni l'autre. Donc tu l'apprendras, tu sauras ce qui est arrivé cette nuit, ce qui arrive quelque part à l'instant même où je te parle. Non, tais-toi, ne bouge pas, ne me regarde pas. Eh bien, Jacqueline, que cette nouvelle ne t'effraie pas, mon cher petit. En l'apprenant, reste tout à fait calme et viens me voir tranquillement comme chaque matin. Va, mon petit, va dormir à présent. Ne dis rien, ne m'interroge pas. Bonne nuit, Jacqueline, à demain. Oh, dis-moi, Jean, dis-moi. Libre, elle s'était redressée, les grandes mains pacifiées la repoussaient doucement et elle s'entêtait avec une insistance qui devenait suppliante. « Jean, qu'as-tu? Qu'y a-t-il? Va, va dans ta chambre. »« Mon chéri !» Elle allait pleurer. « Au nom de Dieu, Jacqueline, je te prie de te retirer. » Une fois de plus, elle tourna vers Marc d'Ambléon ses prunelles anxieuses. « Allez, Jacqueline, puisque Jean vous le demande. » Elle fit « Ah !» sur un ton aussi désolé que vexé, retoucha d'un effleurement la volute blonde qui lui couvrait le front, reprit son manteau et sortit, troublé, balbutiant. « Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. » Son départ fut suivi d'un malaise. Enseveli dans une funèbre méditation, exténué d'avoir vaincu sa colère, Jean Fortel regardait par la fenêtre où s'empourprait toujours l'aurore d'un soleil qui ne se lèverait pas. « Tu avais raison, dit-il enfin. Rien, non, rien n'est plus beau que de voir vivre ce qu'on aime. Parle-moi, j'ai trop longtemps négligé de réfléchir. Il n'est que trop vrai. Tu disais, n'est-ce pas, que nous autres hommes, nous commettons l'erreur ? Plus tard, Jean, tu as été très bon, très grand. Il faut oublier. Ce n'est qu'un incident. Jacqueline t'aime, j'en suis certain. Parle, tu sais plus de choses que moi. » « À quoi bon ? Plus tard. » Et, presque gaiement, Marc ajouta « Dans 20 ans, c'est toi-même qui l'as dit. » Jean Fortel eut aux lèvres un pli amer. Il examina ses mains comme un ouvrier inspecte un mécanisme qui n'a pas fonctionné. « Ah » fit-il, « parle donc, j'ai 20 ans de plus. » Fin de la nouvelle de Maurice Renard, « Celui qui n'a pas tué ».